La chanson d'un Anaïste qui avait 20 ans au cœur, 20 ans trop son moteur, qui avait des armes au cœur. L'ascenseur porté d'un roi, l'eau fragile et autonome, il coupe pas son chrome à droit, l'envoya au pape à Rome. C'est pourquoi l'ascenseur n'avait plus d'un temps au cœur. C'est pourquoi l'ascenseur n'avait plus d'un temps au cœur. Mangez du chocolat, lavez votre cerveau, da da da da da da da, buvez de l'eau. Mangez du chocolat, lavez votre cerveau, da da da da da da da, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. La chanson d'un Anaïste, qui était l'idéaliste, et aimait une bicycliste, qui était l'idéaliste, mais les poules jour et l'or, savait tout et dans une crise, envoya au Vatican, leur de corps en trois valises. Diamant ni cycliste, c'était plus ni déditrice. Diamant ni cycliste, c'était plus ni déditrice. Mangez le bon cerveau, lavez votre soldat, da da da da da da da. Buvez de l'eau, mangez le bon cerveau, lavez votre soldat, da da da da da da da. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. La chanson d'un bicycliste qui était l'atteint de cœur, qui était donc Danaïste, comme tous les fanats de cœur. Un serpent porte les gants, il ferma vite la soupape, mis les gants en peau de serpent, et vient d'embrasser le pape. Cette douche en ventre en pleurs n'avait plus d'un temps au cœur. Cette douche en ventre en pleurs n'avait plus d'un temps au cœur. Buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, da da da da da da da. Mangez du lait, buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, da da da da da da da. Mangez du lait, buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, da da da da da da da. Mangez du lait, buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, da da da da da da da. Mangez du lait. Mangez du beau.